un peu les filles. Allez, ouais, ah. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de RIG 90.7 et RIGFM.fr sur Internet. Bienvenue pour cette 453e émission de Johnny de A à Z ici sur RIG. Je suis très content de vous retrouver et en même temps très content aussi de vous présenter un album de la semaine qui sera le dernier album de Johnny Hallyday qui est Mon pays c'est d'amour, sorti donc le 19 octobre 2018. C'est le 51e album enregistré par Johnny, un disque attendu de pied ferme par les nombreux fans ce vendredi 19 octobre, Mon pays c'est l'amour, ultime projet de l'artiste qui aura mis 2 ans à voir le jour. Tous les titres sont en français, hein, même Back in LA, hein, bien sûr, signé Miossec. Et l'enregistrement de cet album a commencé en avril à Los Angeles, au studio Apogée, et s'est achevé en France à la rentrée 2017, dans le studio Guillaume Tell à Suresnes, où Johnny avait ses habitudes. Le premier extrait qu'on va écouter tout de suite, ce sera « J'en parlerai au diable » qui sort le même jour que l'album. Le clip est réalisé par François Guttenberg et illustré par des images tournées lors du road trip de l'artiste en septembre 2016 entre la Nouvelle-Orléans et Los Angeles. La photo de l'album en noir et blanc est signée Dimitri Coste lors d'une session réalisée pour la couverture de l'album « L'attente » sorti en 2012. Bonne soirée à toutes et à tous, voici tout de suite Johnny Hallyday. Alors je ne bronche pas. Si jamais on me dit que j'ai menti, alors je ne relève pas. Car le jour viendra te répondre de mes actes et je ne me cacherai pas. Oui, le jour viendra de respecter le pacte et lui seul m'entendra. J'en parlerai. De m'asseoir à sa table et dire ma vérité. J'en parlerai au diable, il saura m'écouter. L'innocent, le coupable, l'homme que j'étais. Si jamais on me dit ça, tu je l'ai sûrement cherché. Que j'ai trop flirté avec les limites, je ne vais pas le nier. On sort de la piste, on reprend l'espoir, en avance plus ou moins droit. Et c'est en solide que je lui dirai mon histoire et j'assumerai mes choix. J'en parle. De m'asseoir à sa table et dire ma vérité. J'en parlerai au diable, il saura m'écouter. L'innocent, le coupable, l'homme que j'étais.

et les années 70. Et par ici. Tu vas t'asseoir ici et tu vas m'écouter. La femme que j'aimais, tu me l'as fait quitter. Et je suis devenu cet homme que voilà. Et te voilà perdu, et perdu de pour n'avoir jamais su résister à ton corps. Tu ne verras plus cet homme que je plains mon successeur. Un jour, quoi que tu fasses, tu feras son malheur. Tu te rappelleras cet homme que voilà. Je connais ton. Johnny Hallyday avec, évidemment, ce sont les missions à Johnny Hallyday dans Mission Johnny de A à Z. Cet homme voilà, extrait d'album Solitude à deux, datant de 1978. Et revenons à l'album de la semaine, qui est Mon pays, c'est l'amour, qui est sorti donc le 19 octobre 2018. Et en cette matinée californienne du 19 octobre 2016, donc 2 ans auparavant, le taulier est d'humeur maussade. Le check-up a livré son verdict. Une vilaine toux qui le gêne depuis plusieurs mois est due à la présence d'une tumeur au poumon. À l'autre bout du fil, à plus de 9000 km de là, un journaliste de RTL le joint à l'heure prévue pour une interview.

étoile qui s'éteint dans la nuit, à l'heure où d'autres s'aiment à la folie, sans un éclat de voix et sans un prix, sans un seul amour, sans un seul ami. Ainsi disparu Tennessee. À certaines heures de la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment comme une envie. Oh, ce rêve en nous avec ses mots à lui. Quelque chose de Tennessee. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Dans l'émission de ce soir, je vous présente l'album de la semaine et en même temps, donc, le dernier album de Johnny Hallyday, Mon pays, c'est l'amour, et avec aussi quelques standards de Johnny Hallyday au cours de ces deux heures d'émission. Oui, quelques standards, car deux heures, c'est bien trop court. On retrouve Johnny Hallyday au Palais des Sports de 1971. Un 25 cm va sortir le 30 avril, regroupant ce titre-là en face B. Et la première face sera Essayer de Bercy 2003. Ça sortira donc le 30 avril. Vous écoutez Johnny de A à Z sur RIG. Quand vos parents vous quitteront, ils vous diront, on t'essaye de vous aimer. À votre tour de réussir tout ce que nous avons caché, avons raté. Essayez. Marchand de guerre peut être fier, notre univers ils l'ont caché. Encore une fois, tendez les bras. Encore une fois, faut essayer de vous aimer. Tu m'as battu, garde mon but.

écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. 90.7 sur la bande FM si vous habitez Bordeaux. Et évidemment, RIGFM.fr pour l'écouter all over the world. Et puis prochainement, demain ou après-demain, vous aurez aussi le podcast en ligne. Revenons à l'album de la semaine qui est Mon pays, c'est l'amour, sorti le 19 octobre 2018. Et là, nous sommes en 2016, en novembre exactement. Johnny commence ses séances de chimiothérapie. La perspective d'un album est tombée au moment où il a appris sa maladie. J'étais tétanisé. Je n'étais plus du tout dans l'idée de le réaliser, raconte Maxime Nucci, mais de lui apporter des chansons, car je savais qu'une chanson pourrait potentiellement lui faire du bien. Il ne m'a jamais autant mis la pression. J'ai dû écrire 26 musiques. J'en ai jeté la moitié. Voici Made in Rock'n'Roll sur le thème du RIG. Bien avant moi, te barre pas, tu verras. C'est écrit sur ma peau, je suis made in rock'n'roll. C'est pas le vent des mauvais qui passe. Que c'est pas le vent des mauvais qui passe. Le vent, il va tomber bien avant moi. Te barre pas, tu verras. C'est écrit sur mon cœur, je suis qui me fera tenir en place. C'est pas l'argent qui me fera tenir en place. L'argent, il s'épuisera bien avant moi. Te barre pas, tu verras. C'est écrit sur ma vie, je suis made in rock'n'roll. Made in rock'n'roll. Oui, made in rock'n'roll. Bien avant moi, rigole pas, tu verras. C'est écrit sur ma peau, je suis made in rock'n'roll. Made in rock'n'roll. Made in rock'n'roll. Made in rock'n'roll. Made in rock'n'roll. Made in rock'n'roll. Ce titre est adapté par du titre de J.D. McPherson, Let the Good Times Roll. Johnny et les années 60. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Pour moi, ma mère a donné sa robe de mariée. Je t'ai trop fait pleurer.

Donc, plus de temps à perdre. En mars 2017, Johnny commence l'enregistrement de l'album à l'Apogée Studio de Santa Monica et pose sa voix sur trois maquettes. Je ne suis qu'un homme, un enfant du siècle et ce titre-là, Pardonne-moi. Boosté, il poste sur Twitter une photo plus ancienne sur laquelle on le voit sourire hargneux, faire un doigt d'honneur entouré de ses musiciens avec ce message « Fuck the cancer ». À la même période, à Los Angeles, Johnny Hallyday enregistre avec son ami Eddie Mitchell un duo pour l'album La Même Tribu de ce dernier. L'album sort en novembre 2017 et le duo, c'est un rocker et le dernier titre paru du vivant de Johnny Hallyday. Après quoi, Johnny se ménage en vue de la tournée des Vieilles Canailles avec Jacques Dutronc et Eddie Mitchell qui débute le 10 juin. Et au dernier soir, le 5 juillet à Carcassonne, l'émotion est à son comble car beaucoup savent qu'il a peut-être livré son dernier concert, mais pas encore sa dernière bataille. Tu sais, parfois, la vie me réserve des choses drôles. Les gens oublient, puis redécouvrent le rock'n'roll. Si je chante l'amour, ou bien n'importe quoi, qu'importe le sujet, les gens disent de moi, c'est un rock. Ah. Avec ses wap to wap, viens toucher dans ma tête et chanter près de moi, c'est un rock. Et les rollers, l'avenir, le passé ne peuvent pas me changer. Les chanteurs de cadence, sexeux hésitants, me regardent chanter, disent d'un air horrifié, c'est un rock. C'est un roller qui est le brutalité dans ses pantalons. Si je bois dans un bar trois ou dix verres de trop, quelqu'un tue le bagarre, les gens crient aussitôt, c'est un rock. C'est un voleur. Si l'on ne vit pas comme eux, les bons choix deviennent hargneux. Si je traverse la rue en négligeant le bras du flic près du feu, les gens disent de moi, c'est un rock. Ah, c'est un rock. Il n'a aucun respect pour les gardiens de la paix. Dans un dîner de soir, qu'importe ma tenue, les scopes diront de moi, c'est un rock. Oui, c'est un roller. L'estomac d'un rocker se limite au cheeseburger. Ouais. Les faux intellectuels, journalistes étroits s'emparent de ma musique pour écrire de moi, c'est un rock. Hey. De fric, les escrocs promoteurs me font des grands sourires. Je reste franc-tireur, je suis rock. Je suis un roller. Je chante ce que je veux à l'instant où je le veux. Donnez le sien à d'autres gars. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Après, j'ai plus le temps. C'était grave aussi. Ça. Vous en avez chanté quand même. Ah, ben, bah, on a chanté. Mais... Ça remue dans tout mon corps, j'ai le cœur qui bat très fort, voyez le résultat. Mais tu sais quoi? Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny Hallyday à l'Olympia en 1967 et le titre Noir c'est noir. Extrait d'une nouvelle, d'une version alternative de cette Olympia 67 qui était sortie, il me semble, il y a maintenant 2 ans, c'est ça, non? C'est ça, ouais, il y a 2 ans, ouais. Charlie, laissez ce charmante demoiselle tranquille, voulez-vous? Mais avant de vous quitter, j'aimerais vous dire que j'ai été très heureux de chanter pour vous.

saura toutes ces choses qui ont fait ma vie bien plus noire que rose. Tu comprendras mes pudeurs et tous ces mots qui me font peur que j'ai cachés comme un voleur. Toi, c'est le ciel qui t'a envoyé vers moi pour me réapprendre à aimer. Et attends, il laisse faire les jours, laisse le temps au temps et à l'amour. Un jour viendra, tu te diras, je t'aime et j'aimerai. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime. Du bout des yeux, mais le dire quand même. Dans le ciel de ton regard, lire ton désir et ma victoire. Un jour viendra, tu m'aimeras. Par défi pour brûler mes ailes. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime et j'aimerai. Attends, laisse faire les jours, laisse le temps au temps et à l'amour. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime et je t'aimerai. Je t'aime. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday dans l'émission Johnny de A à Z. On revient à l'album de la semaine qui est C'est mon pays, c'est l'amour, sorti en octobre 2018. Et le 5 août 2017, en vacances à Saint-Barth, Johnny surprend en annonçant une tournée pour 2018. Il surprend aussi Miossec avec un courriel. Il lui demande de travailler à des reprises de Creedence Clearwater Revival, rapporte à l'AFP Benjamin Locoge, journaliste à Paris Match. Le 1er septembre, Johnny, marqué, affaibli, fait sa dernière apparition publique à Paris aux obsèques de Mireille Darc, mais le taulier trouve la force d'enregistrer 7 autres chansons fin septembre, début octobre, au studio Guillaume Tell à Suresnes. Il n'y a pas eu un moment pendant ces sessions où il s'est plaint, ce qui fait qu'on travaille ce disque comme un autre. À aucun moment, il nous a fait sentir que ça pouvait être le dernier, affirme son manager Sébastien Farran. Bertrand Lamblot se rappelle avec émotion ses séances de voix, les meilleures qu'on ait faites, dit-il. Pour Yarol Poupeau, cité par le magazine suisse L'Illustré, il a chanté en étant très malade, amoindri. Mais une fois devant le micro, tu te demandais si c'était le même que celui que tu avais vu une demi-heure auparavant. Petit extrait de séance de studio. C'est tout de suite un autre extrait de l'album de la semaine. Mon pays, c'est l'amour. Voici 4 mètres carrés.

sur leur orgueil. En tout dernier choix, ces valises ou cercueils. Dans tes bras. Je t'aime pas, dis merci. Je t'aime pas, dis merci. Non, non. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On retrouve Johnny Hallyday à Bercy en 1990 et la version de Diego. Et là, quand Johnny va parler, ce n'est pas la voix studio qu'on entend, mais bien la voix live, direct live à Bercy. Yeah. Johnny sur l'antenne de RIG, c'est tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. Oh, cette coupure brutale, waouh. On revient à l'album de la semaine qui est Mon pays, c'est l'amour, sorti en octobre 2018. Johnny échoue pourtant à finir cet album, car sa santé se dégrade considérablement. Il décède donc le 5 décembre au soir. Ses fans venus par centaines de milliers lui dire adieu sur les Champs-Élysées n'attendent désormais qu'une chose, entendre ses 10 dernières chansons. Et à Los Angeles, encore marqué, Maxime Nucci parachève l'album en janvier. C'était épouvantable, très difficile de travailler sur sa voix, sur ses textes qui, d'un coup, prenaient un autre sens. On a beaucoup pleuré, je n'aurais jamais cru vivre quelque chose d'aussi difficile en faisant de la musique, témoigne-t-il. L'album est livré le 28 janvier pour une sortie espérée au printemps. Voici le témoignage de Maxime Nucci lors de la présentation de l'album. Je crois qu'on a beaucoup pleuré, il y avait des moments où on restait focus sur ce qu'on avait à faire, et puis d'autres où on se laissait aller à... Enfin, ouais, c'était très pénible, j'aurais jamais cru vivre quelque chose d'aussi difficile en faisant de la musique. Il avait ce truc incroyable de... Quand il passait derrière le micro, peu importe l'état d'esprit dans lequel il était, il avait cette faculté à se connecter au sol, se connecter aux mots et d'envoyer le truc, ça m'a toujours bouleversé. C'est quelqu'un qui chantait pas beaucoup à la maison, Johnny. C'est pas quelqu'un. Il chantait quand il fallait chanter. Et il donnait tout. Et c'est incroyable. Il faisait pas de vocalise. Son grand truc, c'était de tousser fort, un grand coup, et puis. Et il envoyait le machin, c'était dingue. C'était un disque extrêmement vivant. Johnny avait déjà eu des problèmes de santé dans le passé. À aucun moment on était dans le doute qu'il parte, et à aucun moment je me suis dit que cet album allait sortir comme il sort aujourd'hui. Et on avait vraiment la sensation de le retrouver plus jeune, et il s'est éclaté, parce que du coup c'est vrai que Bertrand dit souvent ça, il a tous les codes de cette musique. Il n'y a pas beaucoup de gens en France qui peuvent chanter le rock'n'roll, en tout cas cette version de rock'n'roll, comme Johnny pouvait le chanter. Je t'aime.

je pars, je ne te quitte pas. Ça ne finira jamais, on refera la route, je te le promets. Je ne suis que la somme des mains qui se tendent, des cœurs qui attendent. Je suis ceux qui m'ont aimé. Non, ça ne finira jamais. John a aidé en 2018, en 2008. On revient à l'album de la semaine qui est Mon pays, c'est l'amour, sorti le 19 octobre 2018. Mais en février 2018, Laura Smet et David Hallyday contestent en justice le testament américain de leur père qui les déshérite au profit de Laetitia. Ils réclament aussi un droit de regard sur l'album, ce que leur refuse le tribunal de grande instance de Nanterre le 13 avril. L'album peut alors être commercialisé. Les 10 titres sont listés dans l'ordonnance. J'en parlerai au diable, Mon pays c'est l'amour, Made in Rock'n'Roll, Pardonnez-moi, 4 mètres carrés, Back in LA, L'Amérique de William, Un enfant du siècle, Tombé encore, Je ne suis qu'un homme. Ah tiens, je n'ai pas mis L'Amérique de William. Ben oui. Au point, Laetitia décrit l'album comme celui de la survie. Johnny s'y est accroché, il ne s'est jamais autant impliqué. Début septembre, Warner annonce la sortie de Mon pays c'est l'amour. Il verra le jour 19 octobre 2018, jour de la Sainte Laura. Et aux 10 chansons connues s'ajoute un interlude musical. 800 000 exemplaires vont être mis en vente vendredi 19, selon Warner. Laetitia assure la promotion dans Paris Match, aux 20h de TF1, sur RTL, de cet album à l'enjeu colossal. Avec l'ambition un peu folle que d'ici Noël, il atteigne le million de ventes. Un album, pas comme les autres, marqué du sceau de la vie, de la mort et de l'amour. Et selon Warner, le premier jour d'exploitation, 200 000 exemplaires sont écoulés. Et au bout de 3 jours, l'album atteint encore une fois, selon la maison de disques, 631 473 000 ventes physiques, CD et vinyle, et 7 000 écoutes en streaming. Et selon l'IFPI, la Fédération Internationale de l'Industrie Phonographique, l'album s'est vendu à 1 700 000 exemplaires physiques et digitaux dans le monde durant l'année 2018, ce qui le classe 5e de son classement. Il s'agit du seul album français du top 10. Voici tout de suite le dernier titre de cet album, Je ne suis qu'un homme. Un espoir décimé sur les pages blanches d'un monde aussi pressé que les trains fantômes. Le cri des oubliés n'a pas trouvé d'écho dans le cœur des hommes. Le monde qu'on espérait ne verra pas le jour à tous les rescapés d'une époque sans visage. J'aurais voulu garder le meilleur de l'instant, mais je ne suis qu'un homme. Comment rester debout quand l'orage se réveille au fond du cœur des hommes? Les soleils se couchent, la rage en moi me rappelle que je ne suis qu'un homme. We'll nos peines sur nos épaules. La vie qu'on a rêvée, noyée au fond des fioles, au fond du cœur des hommes. La mémoire dans la peau, je me rappelle de tout ce qu'on s'était promis comme au premier jour. J'aurais voulu rester pour le pire, le meilleur, mais je ne suis qu'un homme. Comment rester debout quand l'orage se réveille au fond du cœur des hommes? Les soleils se couchent, la rage en moi me rappelle que je ne suis qu'un homme. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On va sécher nos pleurs en retrouvant Johnny Hallyday à Port Bacarès en 1970. C'est un document pirate. Mais ouais. Et vu que l'album, le livre-album Vie devrait sortir courant du second semestre, d'ici septembre-octobre, on va dire. Peut-être, espérons, peut-être qu'on aura ce concert dedans, j'en sais rien encore. Mais écoutons ça, une petite pépite encore. J'aimerais vous présenter les musiciens qui m'accompagnent sur scène. Ils sont dirigés à la guitare et à la batterie. Je pense que vous les connaissez déjà. Ils m'écrivent à peu près 85 ou 90% des chansons que je vous chante. Ils dirigent l'orchestre, ils sont deux à la guitare, mais qui dansent. Et à la batterie, Camille Brown. Est-ce que vous chantez bien? je me sens bien. Oh, moi je me sens très très bien. Moi je me sens très très très bien. Mais je voudrais me sentir mieux. Je voudrais me sentir beaucoup mieux. Je voudrais me sentir beaucoup, beaucoup mieux. Alors tout le monde, est-ce que vous voulez que je me sente beaucoup mieux? Est-ce que vous voulez que je me sente beaucoup mieux? Vous dire. Je souhaite du fond du cœur la paix dans le monde entier. Et je voudrais que tout le monde puisse s'aimer comme moi je vous aime vous. Merci, à bientôt. Salut. Thank you. Johnny au port Bagarès en 1970, c'était le 9 août. Et de départ. Achève cette émission Johnny 2 à Z avec l'album de la semaine Mon pays c'est l'amour qui était sorti donc le 19 octobre 2018. C'est bon, vous avez retenu la date. Je l'ai bien en tête moi aussi. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé, écouté cette émission et toujours parlez-en autour de vous. Cette émission, c'est tous les mercredis de 22h à minuit ici et nulle part ailleurs sur RIG. Voilà, hein. Bonne nuit à toutes et à tous, grosse bise les filles, grosse pogne les gars, je sais pas si on peut le faire encore, non on peut pas le faire, hein. À bientôt, à la semaine prochaine, ciao ciao.